Madame la conseillère. Étrangement et sans transition, la musique de Ravi Shankar, qui berçait mes rêves, est remplacée par un air de clavecin, la marche turque de Mozart. Je sursaute, le temps de réaliser qu'à sa façon, l'impitoyable réveil de Nathalie nous dit qu'il est 7 heures et qu'une journée de travail nous attend. En synchronisation totale, la main droite de Nathalie interrompt Mozart au beau milieu d'un tri, tandis que ses pieds repoussent drap et couvre-lit en même temps qu'elle me secoue l'épaule de la main gauche. Un bisou m'effleure les lèvres. Debout, paresseux, on est lundi, et Hélène arrive une demi-heure plus tôt le lundi. Dommage, je faisais un si beau rêve. Je suis encore tout ensommeillé. Hélène, qui est Hélène? Nathalie est déjà debout, nue au milieu de la chambre, elle lui explique tout en ramassant quelques vêtements. Hélène, ah oui. Elle travaille ici depuis 4 ans. Elle fait tout, ménage, cuisine, et j'en oublie certainement. Oui, j'en ai pour 10 minutes à la douche. Pendant ce temps-là, n'oublie pas de défaire ton lit, même si Hélène s'en rendra compte très vite, pas besoin d'afficher qu'on dort ensemble. Et devant mon air hébété par une telle avalanche d'infos à 7 heures du matin, pardonne-moi de te bousculer, c'est ma faute. J'aurais dû te parler de tout ça hier soir, mais nous avions un autre sujet de conversation. Elle revient sur ses pas, un tendre bisou. Pardon, mais il faut que j'y aille. Je récupère mon sarouel abandonné la veille sur le parquet et traverse la salle de bain d'un pas hésitant. De la douche, dont la vitre embuée laisse entrevoir une silhouette d'année un saint, une voix cristalline s'élève reprenant la mélodie de la marche turque. J'avais compris que Nathalie était une femme dynamique, mais à l'évidence la perception que j'en avais était sous-évaluée. Mettre volontairement une chambre bien rangée en désordre ne m'est pas familier et s'avère beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je dois m'y reprendre 2 fois pour créer le décor, laissant entendre qu'un homme peu soigneux a dormi là. Lorsqu'à peine 10 minutes plus tard, je reviens dans la salle de bain, Nathalie n'y est déjà plus. J'entends sa voix qui me parvient de la chambre par la porte entrouverte. Je me maquille et je vais réveiller Peter. À tout de suite, dans la cuisine pour le petit déjeuner. Je t'aime. Malgré une certaine perte de repères, tant spatiaux que temporels, mes réflexes reprennent le dessus et 20 minutes plus tard, douché, rasé, habillé, en chemise et cravate, je débarque dans la cuisine. Une agréable odeur, comme seuls les petits déjeuners américains peuvent en répandre, emplit toute la pièce et Nathalie achève de disposer tasses, assiettes, bols et couverts. Je reste un pied en l'air. La femme qui me sourit n'est plus celle rencontrée rue Donou, ou celle qui valse à Barbizon, et encore moins celle qui, hier soir sur l'oreiller, débutait le récit de ses exploits tantriques. Sanglée dans un tailleur pantalon sombre, les cheveux coiffés en un austère chignon et une paire de lunettes à fine monture dorée sur le nez, j'ai devant moi Madame la conseillère scientifique de l'ambassade des États-Unis. Elle semble surprise de ma réaction, je l'éclaire. Le tailleur sombre, le chignon, les lunettes, je ne t'avais encore jamais vu un air si sévère. Et je ne savais pas que tu portais des lunettes. Oh, excuse-moi. C'est l'uniforme du lundi. Réunion de cabinet avec l'ambassadeur. Le reste de la semaine, j'essaie d'être un peu plus féminine et pour les lunettes, je ne les porte que pour travailler. Je lui souris et pour lui montrer que malgré l'uniforme, je la trouve très féminine, tente de l'enlacer. Elle se déroule prestement, l'air contrit. Peter risque d'arriver à tout moment, ainsi qu'Hélène et... Elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Quasiment simultanément, un petit garçon blond entre dans le séjour côté chambre, tandis qu'une dame brune d'une 40aine d'années y pénètre par l'antichambre. Peter vient vers moi. Il est encore en pyjama, les yeux tout ensommeillés. Il me fait 1 ou 2 signes très brefs que je crois pouvoir interpréter et je lui réponds « Bonjour, Peter ». Je me penche, un bisou sur chaque joue. Nathalie fait les présentations. « John, je te présente Madame Kearney, qui nous met un tout droit de Dublin. » Elle fait partie de la maison depuis presque 4 ans. Elle préfère que nous l'appelions par son prénom, Hélène. Hélène est donc une perle, mais ne veut surtout pas qu'on en parle. La dite Hélène fronce les sourcils. Il est clair que les compliments la mettent mal à l'aise. Nathalie poursuit les présentations. Hélène, je vous présente John Rin, un ami très cher. En fait, il s'appelle Jean, un prénom que, malgré ma pratique du français, j'ai du mal à prononcer. Il a donc accepté que je l'appelle John et je lui en suis très reconnaissante. Pour ça et pour bien d'autres choses encore. Derrière les sévères lunettes dorées, 2 yeux d'opale bleue m'ont brièvement lancé un regard coquin. John, je te présente Hélène. Enchantée, madame, très honorée. Merci, monsieur. mais c'est Hélène, pas madame. L'accent anglais matiné de gaélique est largement présent et malgré des traits un peu rudes, le visage éclairé par deux grands yeux verts est très avenant. Nous prenons place autour de la table. Hélène, qui vient de passer un tablier, s'occupe de servir son petit monde. Elle en profite pour faire le point avec Nathalie sur quelques détails domestiques et le menu du dîner de ce soir. Par courtoisie envers moi, elle s'exprime en français. « C'est entendu, madame, et ne vous inquiétez pas si Solange a un peu de retard. Je les attendrai avant de partir. C'est le jour de repos de Brad. Il viendra me chercher avec la voiture. » Suivent une ou deux mises au point concernant ma chambre pour lesquelles Nathalie ne laisse strictement rien transparaître d'une confusion que je suis seul à percevoir. Serions-nous connectés à ce point que je ressens toutes ces émotions? Les dernières bouchées avalées et après un passage dans la salle de bain pour le rituel du brossage de dents, Nathalie et moi revenons dans le séjour équipés pour le départ. Un bisou à Peter et un bref « See you tomorrow » à l'adresse d'Hélène et Nathalie m'entraîne dans son sillage. Je n'ai que le temps d'embrasser brièvement Peter et de saluer Hélène. La minute d'après, nous sommes dans l'ascenseur et j'ai dans mes bras une madame la conseillère que sa tenue semble avoir abandonnée. Que t'arrive-t-il? Tu l'as bien pensif tout à coup. Excuse-moi, c'est à cause du rêve de cette nuit. C'était un rêve étrange. Un rêve étrange? Oui, et qui se mêlait à celui de Barbizon. Tu te souviens? Ce rêve où une voix me disait que nous serions séparés pour ensuite nous retrouver. J'en tremble encore. Mais cette nuit, c'était plus doux, en rapport avec le tantrisme, enfin, l'institut. Je ne sais pas très bien. Cette fois, mon rêve disait que même séparés, nous resterions unis. Et je me voyais faire l'amour avec un homme qui changeait de visage. À certains moments, c'était le tien. À d'autres, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais avec qui j'étais bien. Je te parlais et tu me souriais. Enfin bon, ça a été très fort et là, je me suis réveillé. Tu étais près de moi dormant comme un bébé. Il m'a fallu du temps pour me rendormir. Il y a longtemps déjà que l'ascenseur est arrivé au parking où il reste bloqué, car Nathalie n'a pas retiré sa clé. « Allez, viens, on va être en retard. Elle est déjà dehors. »« Mais John, que fais-tu ?»« Pour le métro, il faut que je remonte au rez-de-chaussée. »« Mais voyons, John, je te dépose. » En nous installant dans la voiture, Nathalie réalise qu'isolée dans notre bulle, nous avions oublié d'organiser le quotidien. Tout en manœuvrant pour sortir du box, elle rit. Je crois qu'il serait tout de même temps que je t'explique un ou deux trucs. Ce serait quand même plus pratique. Merci, c'est sympa, parce que malgré ma discrétion naturelle, j'avoue que je me posais quand même quelques questions. Pour l'ironie du ton et des mots, j'ai droit à une petite tape sur la main. Je ne peux résister à la provoquer. La main droite. Tu prends un risque. Sais-tu que c'est celle avec laquelle je donne les fessées? La réplique me revient instantanée comme un smash au volet. Ah, pendant que la droite donne la fessée, que fait la gauche? Je cherche à enchaîner, mais son regard malicieux me dit que c'est inutile, que j'ai déjà perdu. Je m'incline. Les voitures viennent de franchir le portail de l'immeuble et s'engagent dans la circulation direction Place de l'Étoile. Sans se départir de son calme et toujours très attentive à sa conduite, Nathalie me crucifie. Peut-être pourras-tu bientôt me rassurer quant à la synchronisation de tes mains? Là, pour le coup, je suis out. Je parviens à bafouiller. Bien, je tâcherai d'être à la hauteur. Ça, tu as intérêt. Mais avant que nous ne provoquions un accident, je te propose de revenir à des sujets plus sérieux. Un coup de klaxon rageur d'un automobiliste parisien mal élevé, ce qui à l'évidence est un pléonasme, souligne son propos. Elle ne semble même pas s'en formaliser. Il est vrai que depuis 4 ans, elle a dû en voir d'autres. Elle poursuit d'une voix calme. Tout d'abord, et à moins que tu n'y voies une objection, je te propose de te déposer tous les matins et de te récupérer le soir. Si tu es retenu, il suffira de me prévenir 10 minutes avant. Pour le reste... Ah oui, pour déjeuner ensemble, tu te souviens, le lundi, ce n'est pas possible. C'est le self obligatoire avec l'ambassadeur et tout le staff. D'un petit signe de tête, je lui fais comprendre que je n'ai pas oublié ce détail de son emploi du temps. Pour les autres précisions, elle poursuit. En ce qui concerne Hélène, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de son mari. Non, pas de blague là-dessus. Brad est le chauffeur et le garde du corps de l'ambassadeur d'Irlande. Tout à fait fortuitement, j'ai appris que sa femme cherchait un job et qu'elle avait une montagne de qualifications. Il a suffi de 10 minutes pour que nous sachions toutes deux que nous allions parfaitement nous entendre. Pour Solange, cela s'est fait par l'intermédiaire d'une agence, il y a 4 ans. Elle termine ses études de psychologie et s'est spécialisée dans la pédopsychologie. Son job est de conduire Peter à l'école et de le ramener le soir puis de l'aider pour ses devoirs. Elle s'occupe aussi de lui tous les mercredis et il est certain que c'est grâce à elle que Peter a fait des progrès impressionnants tant au niveau comportemental que scolaire. Peter et elle ont tissé des liens très forts. Voilà, je pense que tu connais tout le monde. Enfin, tu feras la connaissance de Solange ce soir. Il y a des soirs où elle reste dîner avec nous, mais je crois me rappeler que ce soir elle a un rendez-vous galant. Alors que nous quittons les Champs-Élysées pour nous engager place de la Concorde, Nathalie s'interrompt puis, autant que tu le saches, Solange ne mettra pas 10 minutes avant de détecter la réalité de notre relation. Cette fille a un 6e sens, mais rassure-toi, sa profession fait d'elle un monument de discrétion. La voiture emprunte la rue de la Monnaie puis la rue de Rivoli. Pour un lundi matin, la circulation est fluide, mais commence à se densifier. Nathalie me confirme que c'est la meilleure heure pour circuler avant le flot des banlieusards. Je n'arrive pas à me concentrer sur le timing de ma matinée de travail, ce que je fais pourtant tous les matins dans le RER. Inévitablement, mon regard revient sur Nathalie, sur son profil de médaille, et par instant, je me demande si ce que je vis est bien réel. Nous stoppons un feu rouge. Nathalie tourne la tête vers moi et son regard croise le mien. Elle ressent mon trouble, ses grands yeux bleus m'interrogent, et à l'instant où elle redémarre, je lui dis, très ému, « Ce que je vis, ce que je ressens est tellement magnifique que par moments, comme à cet instant, je n'arrive à douter de la réalité. J'ai l'impression que je vais me réveiller dans le RER, dans ma grisaille quotidienne. » Je pose ma main sur sa jambe. Une douce chaleur remonte de mes doigts à mon cœur. Impossible de douter, elle est bien là. Je la regarde, les yeux un peu humides. « Merci, Nat. Merci pour ton soleil. » Sa main droite se referme sur la mienne. À l'instant, la Mercedes stoppe juste avant la bourse de commerce. Nathalie se penche et m'embrasse tendrement. Ses yeux aussi sont embués par l'émotion. « Allez, sauve-toi vite. Tu vas me faire pleurer. Je t'aime. À ce soir, même endroit, 18h. Et peut-être au téléphone, si on a un moment. » Bien qu'à regret, je m'extrais prestement de la voiture et réponds par un petit signe de la main au baiser que Nathalie m'envoie en s'éloignant. Debout sur le bord du trottoir, je suis en train d'enfiler mon manteau lorsqu'une voix juste derrière moi me fait sursauter. Je me retourne. C'est Rez, mon collègue, celui qui m'avait prêté le nouvel Ops, dans lequel j'ai trouvé l'annonce de Nathalie. Il me tend sa main gantée. « Salut, Rain. Fâché avec le métro ?»« Mais c'est une plaque diplomatique. »« Waouh, Mazette, on a des relations. » Il a certainement aperçu la chevelure blonde de Nathalie. Inutile donc de raconter n'importe quoi. Cela ne ferait qu'éveiller sa curiosité. J'opte pour une demi-vérité. « Ah oui, c'est une voisine. »« Ah oui, c'est une voisine de l'ambassade d'Italie. Elle part plus tôt cette semaine et je profite de l'occasion. » Je ne pense pas que Rez connaisse par cœur la codification des plaques diplomatiques et je préfère brouiller les pistes. Il a l'air d'avoir admis que ma voisine travaille à l'ambassade d'Italie. T'as raison. C'est toujours mieux que cette saloperie de métro. Le problème, c'est après, quand il faut y retourner. Ces quelques mots, somme toute banals, me font comme un pincement au cœur, comme tout à l'heure quand Nathalie m'a raconté son rêve. Je chasse vite nuage et je me retourne à l'instant où la voiture de Nathalie disparaît sur la gauche. Dans quelques heures, nous serons de nouveau dans les bras l'un de l'autre. Avant cela, avec un peu de chance, je l'entendrai au téléphone. Bien que le son de la voix, le parfum et le goût des baisers de Nathalie ne m'aient pas quitté un instant, j'ai travaillé d'arrache-pied toute la matinée avec le collègue qui doit m'accompagner la semaine prochaine au Cameroun. Les heures ont filé sans que je ne m'en aperçoive. Sur le coup de 13h, je tente ma chance sur la ligne directe de Nathalie. Pas de réponse, si ce n'est qu'à la 3e sonnerie, une voix féminine dans un excellent français mais avec un épouvantable accent américain s'annonce. « Bonjour, U.S. Embassy, bureau de Madame Laughlin. Que puis-je pour vous ?» Déçu, je n'en oublie cependant pas de rester discret. « Bonjour, madame. Jean Rine à l'appareil. Je suis une amie de Madame Laughlin. Je suis son assistante. Puis-je prendre un message ?» « Oui, merci. Dites-lui simplement que Jean-Rine a appelé et que je ne manquerai pas de la recontacter. »« Ce sera fait, monsieur. Rien d'autre ?»« Non, merci, madame. Bonne journée. »« Vous de même, monsieur. Au revoir. » Un déclic. Il me faudra attendre encore quelques heures pour entendre la voix de mon bel amour blond. Des heures qui, malgré mon impatience, vont très vite passer, tant elles sont denses sur le plan du travail abattu. Dans l'après-midi, mon collègue m'en fait même la remarque, me demandant « s'il y avait du lion au menu du jour de la brasserie. » avant 18 heures, avec plus de 5 bonnes minutes d'avance. C'est un homme dont les pieds ne touchent pas le sol qui se pose sur le trottoir à l'endroit prévu. Un petit coup de klaxon me fait sursauter. La Mercedes de Nathalie stationne le long du trottoir d'en face. Fixant la direction d'où elle devait arriver, je ne l'avais pas vue, garée là, à m'attendre. Je traverse la rue en 3 enjambées, manquant me faire renverser par un scooter dont le conducteur m'adresse un chapelet d'insanité. Je ne me retourne même pas et m'engouffre dans la Mercedes, où un tourbillon de cheveux longs et de bisous m'accueille ponctué de « John, John, I miss you ». Je lui rends ses lèvres. « Oh Nat, I miss you too. Seigneur, que tu es belle. Et toi aussi, Jesus Lord. J'ai tellement envie de te faire l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. My bushman. » C'est la première fois qu'elle emploie cette expression. Nous nous mangeons les yeux et simultanément éclatons de rire. C'est un rire presque enfantin qui célèbre le bonheur de nous retrouver et toute la tendresse qu'échangent nos mains enlacées. Nous ne nous connaissons pas depuis bien longtemps, mais suffisamment pour que je devine qu'elle a quelque chose à me dire. Je fais semblant de ne pas m'en rendre compte. Désappointée, elle fait mine de démarrer, se ravise. « Tu n'as rien à me demander ?»« À moi de jouer au chat et à la souris avec elle. »« Si. »« Si tu m'aimes ?» Une tape sur ma main. « C'est ça, tu crois que je ne vois pas que tu le fais exprès ?» Elle fait semblant de bouder, mais ne peut retenir à rire. « Miami, c'est OK pour moi. L'ambassadeur est d'accord. 10 jours dans 3 semaines. » Mon sourire leur dit long sur ma réponse. « J'en ai parlé au patron ce matin, et c'est pour ça que j'ai essayé de te joindre. C'est d'accord, même date, même durée. » Elle pousse un cri de joie et tape des mains, telle une enfant. Elle rit, elle pleure, m'embrasse. « Mon Dieu, que je suis heureuse !» Sur le trottoir, le flot des passants a grossi. Les embouteillages, c'est maintenant. Elle se reprend la première. « Je crois qu'on ferait bien d'y aller. Sinon, un de tes collègues va bien finir par passer et nous repérer. » Je lui dis que ce matin, Rez a failli nous surprendre et lui annonce son transfert à l'ambassade d'Italie. Elle sourit, décolle la voiture du trottoir et tourne aussitôt à droite dans la rue de Rivoli. « Es-tu sûr qu'il ne nous a pas vus nous embrasser ?»« Je ne pense pas. » Le temps de cet échange, et nous avons déjà passé la rue de Rivoli, la Concorde. Nous nous engageons sur les Champs-Élysées. Je ne peux m'empêcher de faire la remarque. Tu vois, Paris nous dit que nous sommes au paradis et que tu es le plus bel ange qu'il soit possible d'y rencontrer. En quelques minutes, la circulation est devenue beaucoup plus dense et tout à sa conduite, Nathalie n'a pas vraiment fait le rapprochement. Que je sois un ange, c'est flatteur, bien que là je me sente plutôt des envies diaboliques, mais... Paris, le paradis, je ne vois pas très bien le rapport. Nous sommes sur les Champs-Élyséens. Elle a un petit sourire confus. Mon Dieu, oui, bien sûr. Mais il faudrait essayer de ménager la pauvre scientifique américaine que je suis. Tu sais, je n'ai pas tes réflexes et tes références culturelles. Tu n'as rien d'une pauvre scientifique américaine. Si je pouvais seulement avoir le 100e de tes connaissances. Un feu rouge nous autorise un bref regard. Je ne sais pas pour le mien, mais celui de Nathalie est chargé d'amour. Jean-Rine, elle a repris mon prénom en français. Tu es l'homme le plus merveilleux que je connaisse, et tu ne sais même pas à quel point tu l'es. J'ai sans doute des connaissances, mais parfois, pour me faire vibrer comme tu le fais, je suis certaine que toi, tu as la connaissance. Elle fronce légèrement les sourcils. Bon, d'accord, seul le Seigneur détient la connaissance, mais il est clair qu'il a dû t'en laisser un bout. Place de l'Étoile. Je ne sais comment Nathalie s'y prend. Elle franchit l'obstacle de ce fouillis de voiture avec une aisance qui me sidère. Il est vrai qu'elle a 4 ans de pratique. L'avenue Foch, la grille de l'immeuble qui s'ouvre, l'allée, le parking en sous-sol, le box, la porte basculante qui s'ouvre. Le moteur juste éteint, Nathalie est déjà descendue de voiture et alors que j'appelle un pied à terre, manœuvre la télécommande et nous enferme dans le garage. Je n'ai pas le temps de manifester ma surprise. Elle vient de faire le tour du véhicule et c'est elle qui ouvre ma portière. Bien qu'un peu faible, l'éclairage du box est suffisant pour que je distingue parfaitement son visage. Elle disait vrai tout à l'heure à propos de ses envies diaboliques. Ses yeux ne sont plus que 2 fentes et alors qu'elle ouvre la portière arrière, le petit signe de l'index qu'elle me fait pour m'intimer de la rejoindre est on ne peut plus clair. Avant que je n'aie pu réagir, elle est déjà en train d'ôter son pantalon et sa culotte qui, dans l'instant, ne font plus qu'un petit tas sur le siège avant. La veste de son tailleur les rejoint une seconde plus tard. Vêtue de son seul chemisier et de ses bas, elle s'avance vers moi et me tire par la cravate. Sa dextérité et sa fièvre font que je me retrouve dans la même tenue qu'elle, sauf que je porte des chaussettes et elle des bas de chez Dior. Mon pantalon rejoint ses vêtements sur le siège avant. Toujours sans un mot, ses yeux plantés dans les miens, elle me pousse en arrière et m'oblige à m'asseoir sur la banquette. Madame la conseillère se retrouve dans le garage de son immeuble, cul nu, en train de m'escalader sur la banquette arrière de sa voiture. Ouvrant son chemisier et dégrafant son soutien-gorge, elle m'offre ses seins, puis, d'un ton détaché, alors qu'elle s'écarte et m'empoigne, me souffle à l'oreille. Au fait, j'ai bien reçu ton message, mais j'étais complètement débordé et je n'ai pas eu le temps de faire imprimer les cartons d'invitation pour ce petit encas. Avec le fou rire, une sorte de frénésie me gagne. Notre désir est si impérieux que les préliminaires se résument en un baiser brûlant où lèvres et langues se débordent. Elle est sur moi et, me guidant de sa main, me prend elle-même presque brutalement. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme puisse chevaucher un homme avec une telle fureur. À peine suis-je en elle qu'il commence à jouir. Ses reins ondulent de plus en plus vite et l'orgasme lui tord le ventre en même temps qu'il m'arrache ma semence dans un cri de bête blessée. Notre étreinte n'a pas duré une minute, mais a été d'une telle violence que nous gisons là tous les deux, l'un sur l'autre, le souffle court, les reins brisés. Les yeux mi-clos, son visage apaisé, je retourne Nathalie la douce, Nathalie la tendre. S'aidant de son mouchoir, avec des gestes délicats, elle efface les traces de notre folie, ne cachant rien de son intimité. Elle veut que je la voie tout entière, une façon de se donner à moi, encore, complètement, totalement. Le carré de batiste disparaît dans sa sacoche. Elle passe ses bras autour de mon cou et la douceur de son baiser contraste avec la furie qui l'animait tout à l'heure. « Pardon, John. J'avais trop envie et je n'ai pas supporté l'idée de devoir attendre que Peter soit endormi. Seigneur, qu'elle est belle. Et belle n'est pas le mot qui convient. Elle est magique. » Une caresse sur ma joue et dans mes cheveux, un tendre et doux baiser qui se termine par un gros soupir. « Je crois que nous devrions y aller maintenant. Je ne voudrais pas faire attendre Solange. » Il ne nous faut pas 5 minutes pour reprendre un aspect décent et sans doute aurait-ce été plus rapide si nous nous ponctuions chaque geste par un baiser. Une brève pression sur la télécommande et la porte du garage s'ouvre en silence. Madame la conseillère ajuste ses lunettes, remet en place une mèche ébalée de son chignon, me prend par la main et nous entraîne vers l'ascenseur. La porte s'ouvre au premier coup de sonnette. Peter devait nous attendre car à peine sa mère a-t-elle franchi le seuil qu'il lui saute dans les bras, ses petites jambes cerclées autour de la taille de sa maman. Afin qu'elle puisse lui faire un gros câlin, je récupère discrètement la sacoche de Nathalie et m'avance à sa suite dans l'entrée. La jeune et jolie femme à la longue crinière flamboyante qui se tient quelque part en retrait ne peut être que Solange. Pull blanc ample, jupe bleue en laine serrée au-dessus du genou sur des collants noirs épais, bottines à petits talons, nous ne sommes pas là dans le cadre de la panoplie vestimentaire estudiantine. Il est vrai qu'elle a un rendez-vous galant. Nathalie repose Peter au sol et celui-ci en profite pour venir me réclamer un bisou qu'il obtient sans difficulté. Solange s'avance et Nathalie, après l'avoir salué, fait les présentations. « Solange, je vous présente mon ami Jean-Rine. John, je te présente Solange Dubreuil. » Avec un gracieux sourire, la jeune femme me tend une main douce, étonnamment ferme. Je ne dirais pas que sa poignée de main est virile, mais qu'à tout le moins elle est solide. Je crois son regard. Des yeux dorés, très doux, un peu dérangeants. À n'en pas douter, après avoir hypnotisé, ce regard-là paraît capable de vous sonder jusqu'au fond de l'âme. Le pronostic de Nathalie était encore optimiste. Nous sommes à peine en train de nous débarrasser de nos manteaux, qu'à l'évidence, Solange a déjà percé à jour notre petit secret. Elle n'a pas eu besoin de 10 minutes. Elle sait pour nous deux. Par quel sixième sens a-t-elle pu savoir si vite? Il y a quelques siècles, cette magnifique jeune fille aux cheveux de feu, si sensible à la psyché d'autrui, aurait été promise au bûcher sans jugement. Elle regarde Nathalie et ses yeux dorés lui disent combien elle est heureuse pour elle. Solange reprend Peter par la main. « Allez, mon garçon, on n'en a pas tout à fait fini, tous les deux. Tu as voulu attendre John et ta maman. Maintenant, nous avons quelques minutes de pause à rattraper. » Elle nous fait un petit signe de tête et disparaît dans le couloir avec son élève. J'enlace Nathalie. Impressionnante, la préceptrice. J'ai bien cru que ses yeux me déshabillaient de l'intérieur. Je crois qu'elle n'a pas mis 5 minutes à comprendre que non seulement nous étions amants, que nous étions très amoureux, et qu'en plus nous venions de faire l'amour. Elle doit vraiment être un peu sorcière. Tout en récupérant ses affaires et se dirigeant vers les chambres, Nathalie confirme. Sûrement, mais une gentille sorcière, et même si notre histoire est devenue le secret de Polichinelle, je pense qu'il vaut mieux rester discret et ne pas prendre notre douche ensemble. Je te ferai signe quand j'aurai fini. À tout à l'heure. Un tendre bisou et l'œil en coin, elle disparaît dans sa chambre, déboutonnant son chemisier, laissant paraître un sein facétieux qui n'avait pas entièrement regagné sa corbeille. Perdu dans des pensées où se mêlent chemisier échancré, téton dressé, lèvres brûlantes et jambes de cariatide, je pousse la porte de ma chambre. La première chose que je vois est une petite enveloppe bleue posée en évidence sur le lit. Je me précipite, lâchant manteau et mallette sur la moquette. C'est aussi la même écriture et le même parfum. Je crois que j'ai les mains qui tremblent. La malheureuse enveloppe en fait les frais et j'en extrais fébrilement un petit Bristol. Le cumul des émotions, sans doute. Les lignes d'une écriture que je connais bien dansent devant mes yeux. Une grande inspiration. J'expire lentement. Chaque mot est comme un bonbon. Dear John, my love. Je t'en prie, ne sois pas fâché. J'ai pensé que parti pour l'Afrique, tu n'avais pu prendre beaucoup de vêtements d'hiver dans tes bagages. J'ai donc pris la liberté de laisser à Hélène une liste dont j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin. Si elle a eu le temps de s'en occuper, tu trouveras tout ça dans ta penderie. Et si tu n'es pas trop mécontent du gîte et du couvert, peut-être reviendras-tu. Dans ce cas, tu n'auras plus à te soucier de ta garde-robe. Je n'ai rien dit d'autre à Hélène, et elle ne m'a posé aucune question. Qu'importe, je voudrais que le monde entier sache que je t'aime. You're my love, Nat. Je m'assieds lentement sur le lit. Je dois avoir les yeux qui piquent. Ma vue se brouille en court instant, un peu comme ralenti. Je vais vers la penderie et l'ouvre. Il ne reste plus une place de libre dans l'immense dressing qui ce matin paraissait bien vide. J'aurais peut-être dû ouvrir cette enveloppe avec un peu plus de délicatesse, mais à l'instant où j'ai vu mon nom transcrit d'une écriture que je ne pourrais jamais oublier, mes doigts se sont mis à trembler. Pendant que Peter est parti se brosser les dents et se mettre en pyjama, j'aide Nathalie à débarrasser. Je profite de ce petit moment de tête-à-tête. Merci pour le petit mot et la garde-robe. Nathalie ne me laisse pas le temps de finir ma phrase. Un curieux clignement simultané des yeux, elle fonce son nez comme un lapin. En langage lapin, ça doit vouloir dire « Ce n'est rien, oublie ça !» Hélène est un vrai cordon bleu, le dîner a été délicieux. Nous avons terminé par une variante irlandaise du pudding dont je n'ai pu retenir le nom, mais dont j'ai repris deux fois. Peter est venu nous rejoindre sur le canapé. Nathalie me propose un café. Je lui demande pourquoi ce sourire mystérieux. Scheherazade a tellement de choses à te raconter que nous aurons besoin de caféine. Peter, que nous avions oublié, tapote le bras de sa maman et enchaîne une série de gestes. Nathalie traduit. « Qui est Scheherazade? Est-elle vraiment très bavarde ?» Je décide de lui répondre le plus franchement possible. Scheherazade est une dame qui vivait autrefois dans un grand palais et qui connaissait beaucoup d'histoires merveilleuses. Oui, elle était vraiment très bavarde, et j'utilise cette expression pour taquiner ta maman, qui a beaucoup insisté pour me raconter toutes les merveilleuses histoires qu'elle a vécues depuis qu'elle est arrivée à Paris. Nathalie me fusille du regard. Elle traduit néanmoins. Il dit que toi aussi, tu dois avoir plein d'histoires à raconter sur l'Afrique et qu'il espère que tu es aussi bavard que moi, car il voudrait bien que tu lui en racontes quelques-unes. Je fais un bisou au gamin. Promis, puisque tu n'as pas école le mercredi, demain soir, après le dîner, je te raconterai une histoire africaine. L'enfant tape des mains et me refait un bisou. C'est avec un sourire heureux que Nathalie le prend dans ses bras pour la cérémonie du coucher.